Adieu papa, adieu maman, adieu papa, adieu maman. Souvenez-vous de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants. Souvenez-vous de vos enfants qui s'en vont au régiment. Les jeunes filles pleureront, les jeunes filles pleureront. Elles pleureront pour leurs amants, pour leurs amants. Elles pleureront pour leurs amants qui s'en vont au régiment. Car nous serons au régiment, car nous serons au régiment. Nous écrirons à nos parents, à nos parents, à nos parents. Nous écrirons à nos parents qui nous envoient de l'argent. Cora la gente arriva, cora la gente arriva. E ne ribotta ne faringa ne faringa ne faringa. E di rivolta gli fare se ne fa i tuoi pare. E se la gente ripare, se la gente ripare. E di rivolta ne fare, ne fare, ne fare. E di rivolta ne fare se ne fa i tuoi